Planet Rap. À partir de maintenant, radio validée par Skyrock. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Gradure. On est là. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Gradure. Okay. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap de Gradure. Passez une bonne soirée entre 20h et 21h. Gradure qui est là, normalement. Faut dire qu'on n'est pas tout seul ce soir. Hein. Ça va bien l'équipe du Shaggy Squad, en forme? On est là, en forme. Est-ce que le studio va bien un petit peu? Faites du bruit, s'il vous plaît. Bon, on est là ou pas? Ça traduit pas tout à fait le nombre de personnes qu'il y a, hein, mais je pense qu'on pourra découvrir dans un instant. Gradure avec l'album L'Homme au Bob, ça approche lundi dans les bacs, le 23 février. Le hashtag Gradure sur Skyrock, on va retrouver un petit peu tout le monde, passer des titres évidemment. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer avec le replay? Non, dans un instant le replay. Et bah, Gradure est où? Ah, il est avec le DJ, donc on met le morceau jamais et on retrouve Gradure juste. Ah bah non, le voilà. J'étais en train de dire que c'était compliqué pour accéder au studio ce soir. Il y a trop de monde. On n'est pas tout seul. En même temps, c'est toi, t'en regardes. Hein. Ouais. T'en as fait un morceau, on n'est pas tout seul. T'as vu, on est vraiment, vraiment pas tout seul. Et vraiment pas tout seul. Tiens, d'ailleurs, aussi un bon moyen de préciser, c'est que vous serez pas tout seul le 25 février. Le 25 février, ouais, il y a un Bataclan. Bataclan qui arrive. Il y a un Bataclan qui se programme et ça va être lourd. Et bah, loupez pas Gradure, la sortie. Deux jours après la sortie de l'album. La sortie le 23 février. Ce soir, que se passe-t-il dans l'émission Gradure? Ouais, il y aura quelques invités. Mm-hmm. Et il y aura peut-être un live. Hein. On est en train de voir. Des morceaux de l'album aussi? Ouais. L'Homme au Bob qu'on va découvrir. Mm. Une fois de plus, ce soir entre 20 et 21. Ouais. On attaque avec jamais? C'est allez, parti. C'est parti. PD qui parle sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Montre-le, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz il tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, ta fille n'est butée à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac Amaru. Car ma ligne de conduite, j'ai vite sky et accident de la route. Claque pas des cahiers en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïrs, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. J'vois la vie au goulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que j'serai joué par Pascal et Bouno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc j'suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pandou et le mafait. Un bleu rebelle comme Yann Villa demande même à baffer. Voir mon public qui fait en concert, ouais mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Reveux pop tout négro, sachez que le buzz est complet. Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme la Chouette nouveau Roubaix 5-9 à la caserne. Je veux pas que les flics me ramènent, ni même qu'ils me malmènent. Toujours jugé par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en se France ça me fait de la peine. Ouais je t'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Je veux prendre mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais à l'instant, Gradure, notre invité toute la semaine, c'est lundi. En léger, Fred, ça vaut quoi? Bah écoute, ça va, c'est en léger. Il y a des gens du 5-9, j'ai l'impression qu'ils t'ont rejoint aussi ouais, ce soir dans le studio. Enfin enfin, chouette Zer, nouveau Roubaix, on est là ou pas? Mais Roubaix, on est là ou pas? Voilà. Ça te manquait la chaleur du nord du 5-9. Voilà. Enfin, ils sont venus. Ils sont venus, enfin, voilà. Ils sont là. Ça fait grave plaisir, moi. Ça fait plaisir. Bilal. C'est ça leur problème. Dès qu'ils viennent, ils foutent la merde aussi. Donc le 5-9 a débarqué. Voilà, il y en a encore qui arrivent là, mais c'est déjà bien là, je suis content. Ah bah déjà on est pas mal là hein. Ouais. Ça fait un moment que t'es pas retourné dans le nord là depuis. Parce que comme tu tournes un peu à droite, à gauche. Si, je reviens vite fait voir ma mère. Je reviens voir vite fait des potes. Mais je viens en bombe hein, tu vois. Avec l'album que j'ai dû mixer en urgence. Les showcases, je bouge beaucoup. Quand j'ai dû aller à Atlanta, donc je bouge beaucoup, mais dès que c'est fini, là, je vais pouvoir me reposer un peu. Tu vas pouvoir te poser après un peu. Tournée, ouais. Après la tournée, ouais, il y a une tournée, il y a une date déjà au Bataclan, et puis il y a d'autres dates un petit peu partout. Voilà, il y a des dates qui arrivent aussi. On va enchaîner, hein. Est-ce que ça a répété un petit peu pour le Bataclan ou... Vite fait. Bon, vous serez prêts. On sera prêts. 25. Prêt, je rigole, bro. Hein, l'équipe du Shaggy Squad. Vite fait, hein. Bravo, répétez. Vite fait, hein. Vite fait. Kaïps, Nida, ça a répété. Ouais, on a répété. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qui est le plus sérieux, Gradure, dans l'équipe? Franchement, qui est le plus sérieux de l'équipe? Le plus sérieux? L'équipe du Shaggy Squad. Ça dépend dans quel contexte tu parles. On va dire le boulot alors. Le plus sérieux. Le plus sérieux, celui qui est à l'heure, celui qui est. Celui qui est à l'heure, ça c'est pas moi déjà. Ça c'est sûr. Moi je suis toujours en retard. C'est vrai? Je suis toujours en retard, mais je suis sérieux dans mon travail, mais je te cache pas. Sur les horaires, j'ai un peu de mal. Ouais, les horaires, c'est difficile. Tu l'as déjà vu, de toute façon. Ouais, mais ça va, mettons cette semaine, regarde. Ça va. C'est parce qu'il y a un taxi qui. qui vient. On prend le taxi, c'est pour ça. Qui vient te choper, sinon ce serait pas possible. Non, c'est si pas t'étais, possible. Si t'étais abandonné comme ça. Ouais, c'est impossible. Impossible. Même à l'armée, même à l'école, j'arrivais jamais à l'heure, donc c'est impossible. Ah, comment tu faisais à l'armée? Parce qu'il n'y a pas le réveil clairon, machin. Ouais, je me faisais niquer à chaque fois. Et quand tu travailles pas à l'heure, c'est quoi là-bas? C'est tu tapes toutes les corvées, les trucs? Les... Ouais, voilà. Ah oui, t'as fait quelques corvées en fait. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Bon, bah là, y a pas de corvée en tout cas pour la sortie de l'album. Mm-hmm. Et l'album sera là à l'heure, dans les bacs voilà, lundi. Sera là à l'heure. On peut le précommander. Je rappelle aussi toujours que t'es numéro 1 des ventes singles hein, ouais, en digital plaisir. Avec Priez pour moi, le morceau est arrivé hier. Ouais. Le clip aussi est dispo. Ouais, il est clip dispo. Qui était tourné en Afrique. En Afrique avec Mokobé justement. Voilà, avec Mokobé qui était là hier soir. Qu'on a eu, je fais un gros big up. Qu'on a eu hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Ah, ouais. Des arrivées. Non, il y a des arrivées en fait. Je vois des gens, ça rentre, ça sort. Mamoudou! Mamoud! Vous pouvez voir les images aussi, c'est sur le Skyrock FM avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on balance comme morceau Gradure maintenant? Je balance quoi là? Priez pour moi, tu veux qu'on Priez pour moi? Vas-y, c'est parti. Non, on en parlait à l'instant. Priez pour moi sur Skyrock. Voilà. C'est extrait de l'album L'homme au Bob. Schweitzer! Priez pour moi. Nouveau Roubaix! 5-9, on est là. C'est parti. Est-ce que le DJ nous entend? Parce qu'il y a tellement de monde. Hey, DJ en fait. Est-ce que le DJ nous entend? Est-ce qu'il a calé le morceau? Il est là. Priez pour moi, c'est extrait de l'album L'homme au Bob, maintenant sur Skyrock. Allez, c'est parti. Grosse dédicace à mon petit là. Tu es mal catch là. KDB. Un truc de gueule, hey, hey, hey. Gator, Charlie, Gator, Peupon, Traction, Abdo. La vie tient qu'à une feuille, je la fume comme un pédo. Je veux les armes à Pablo, la villa Sosa. Une bête de bombe comme Elvira dans le Gamos, dernier Costa. Bientôt je vais crever, mais qu'est-ce que je m'en bats les délaves? Comme Jack Messine et Ghetto Val, Fedaya, client court. On l'a dans le fut, tu l'as dans le zèle comme Tony. Ils ont jamais dit grave, tous ces Tommy, c'est des voyous de chrome. Je rafale 4-4 AK, 4-7 Dago, 4 pattes dans 5, 6-7 machette, grosse gag, achète, sans la vodka, dans ta putain, coche-neck. Y'a pas de bénévolat si tu cherches la monnaie, chez Gay travaille. Y'a pas d'autre ici, si je te la sors, ma chérie, faut que t'avales. Faut que ça t'avale, ça sent le drive-by. Même le bon n'y peut rien quand je tire dans la tête. Dis-moi à quoi sert pare-balle. À quoi sert pare-balle. Tu peux ramener même Oliver Kahn. C'est 62 dans la jambe à Juninho Negro. Je la mets direct Lucas. Tu l'ennemi public numéro 1. En rotation dans tous les checkers. C'est un truc de putain. Priez pour moi, mes chéguets, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Priez pour moi, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Un truc de gueudin, un truc de gueudin, un truc de gueudin, public numéro 1. J'ai que de la weed dans la cervelle, comment veux-tu que je m'applique? Ils nous prennent nos flots, nos rimes, ils me sucent la bite, puis on voit des pics. J'ai des épaules à Chicago, dans le hood avec les chèques, la street. De 0,17, j'arrête le rap, me barre avec maman en Afrique. Je sais pas combien de CD je vais vendre, je sais combien de megas j'ai vendu. J'trempe ma tub dans le cul du RAP, tous tes MC sont perdus. J'ai tout niqué dans le nord, j'me barre en vacances dans le 13. Marre du froid, du stress de ma masse, j'me réveille au bout du calage. Elle s'en fout de savoir mon nom, elle veut savoir combien je prends. Mes terres d'Afrique tatouées sur le bras gauche, donne de la force à chaque fois que je prends. Et je crache ma peine, comme je crache mon iPhone. Toujours une larme à l'œil, un peu comme Gucci Mane. Je suis l'ennemi public numéro 1. En rotation dans tous les checkers, c'est un truc de putain. Priez pour moi, mes chéguets, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Priez pour moi, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Un truc de gueudin, un truc de gueudin, un truc de gueudin, public numéro 1. Priez pour moi à l'instant, Gradure, c'est extrait de l'album, le single numéro 1 des ventes. Numéro 1. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les gens sont là, il y a une attente. Il y a une petite attente, ouais. Ça fait grave plaisir même. Ton équipe de Shaggy qui te suit, qui t'envoie des messages aussi, allez-y avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Voilà, grosse force à ceux qui soutiennent sur internet, sur Facebook, Twitter, Instagram, ça bouge pas. Et Planète Rap ce soir entre 20 et 21 avec Gradure dans l'émission. On fera du live tout à l'heure. Gradure, t'as réfléchi un peu ou... Ouais, je vais mettre un inédit et je vais rapper dessus. D'accord. C'est lequel inédit? Je vais choisir dès que ce sera bon. Ah, t'hésites encore? Voilà, j'hésite encore. Très bien, donc un inédit de l'album, qu'on va pouvoir découvrir. Ouais, ce très, soir. Très lourd. Très lourd? Ouais, très lourd. Ce sera avant 21h. Et puis d'ici là, on va repartir sur quoi comme morceau? Sur des extraits de Shaggy Squad? Sur un petit Shaggy, un numéro ou un 10? Ouais, je vais mettre. Allez. Shaggy Squad? Vas-y, Shaggy Squad. Ah! J'ai l'impression que ça va être le feu dans le studio. Hein. Ouais. Le morceau s'appelle Shaggy Squad. C'est parti. On le balance ? Ouais, c'est parti. DJ, Shaggy Squad. If she ain't fucking, she got to go. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Oh, no, no, no, no, no, no. Sur la route, tu peux l'enfer en détail. T'as 35 biches, tu auras pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un scandale que tu peux parler d'art. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de balle. Bite et calibre dans ton trou de balle. Même tes piles, je sais qu'ils sont pas taille. Putain, rejoins devant ma gauche. 9 millimili à droite. Grosse tasse sperma gauche. Forcément, gros, y'a fait l'homme à droite. Tu es levé son cul pire qu'un quad. Forcément, cette salope, elle boite. Entrée. Dealer, c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Quand je me fais mal, là, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-la, c'est le chez Gay Squad. Présent pour les niquer sur le beat, dealer c'est le Chez Gay Squad. Ils veulent tout sucer notre beat, on est des killers, on va tout prier, dégage. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc redébiter des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards, ta face de la décale où je fais un drame. Beat, tu gagnes ou t'es propre. Tu ouais, VDB, Big M, Prince, Lop de l'eau. Kata, tu suis où tes scores. Les corps, tu michetonnes, salope, t'es trop conne. Je suis agent, et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, parque mes patins. Et je vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la presse. Ces bâtards ont parlé, ont pas cru en nous. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Encaisse la monnaie comme un rapide. J'ai caché la bœuf dans le fût à Tarakli. Arrête qui vient pas fumer sur mon paquet. Mais j'ai aidé son frère et demande à ta qui. Dis-le, dis-le, la peuf, meuf, faut sachet. Faux chèque de banque, genre un gamin sous sa chaîne. Baveux et j'ai skié le parquet, c'est parfait. T'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais, mon négro, genre de tôle. Ouais, ouais, mon rebut, j'me refais, j'ai la gaule. Me rattache dans la piole. Rafale, si tu me jettes un seul. Versatier, Versatier, Versatier, c'est pas notre faute. Y'en a drogue dans les sachets. Hey, où elle est si par ici tout s'achète. Ils se rachètent des coups, c'est pété, faut que vous le sachiez. Tous ces bâtards, on parle, on pas cru en nous. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Chez Gay Squad. Coup de machette à la tourne. Vouloir nous tester qui peut. Personne. J'traîne que dans des coins chelous. Où ça pue le shit et la bœuf. Les négros on les poche vite. Quand faut couper la poire en deux. Ils veulent faire les super héros. Chez Gay, je vais les mettre en jeu. Je vais pas dans le ciné, plutôt dans le pleura, ils vont halluciner. Bateau dans l'homme au plateau, mieux ce sera le guiné. Putain, je rallie, direction Berry, je pilote sans permis. A 86, je rase à Bini. Sec t'as dit, big up à Koji. If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Le choix de l'air, nouvelle base à 9. Tell her don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no, no. Squad, squad. Shit, shit. Il est l'âme doute, c'est pour toi, sale bâtard. Oh les jeunes. On peut dire qu'on sait faire la fête dans le 5-9. Si vous voulez voir les images qui sont aussi impressionnantes, elles sont maintenant sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock, et dispo aussi tout à l'heure hein, sur le blog de Planète Rap. Allez faire un tour sur le blog de Planète Rap. C'est le feu. Ça faisait un bah, ils sont contents de te retrouver. Ça faisait un moment. Ouais, ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Chez Gay Squad à l'instant, c'est le morceau. Choisir nouveau Roubaix. On écoutait donc Chez Gay Squad. Chez Gay Squad, c'est ce qui va arriver la courant de l'année 2015. Donc c'est voilà, c'est ça va arriver lourd. On l'a entendu cette semaine. Il y a Nida, il y a Kaïp qui prépare aussi leur projet. Brabra qui est là aussi avec nous. Ouais. Attends juste, on peut avoir un peu de silence. Sinon, c'est... voilà. Merci, je sais que vous êtes tous un peu contents de retrouver Gradure, mais on va essayer de faire l'émission et comprendre un petit peu ce qu'on raconte. Non, je disais, donc chez Gay Squad, ça arrive là d'ici 2015, d'ici, courant 2015. D'ici quelques mois. Ouais. Ça va être quoi? Un album du groupe, du collectif? On va déjà pousser, en envoyer des sons et après on verra ce que ça va donner. Et la suite arrive. Ouais, ça arrive très très lourd. Bon, est-ce que t'as réfléchi au morceau inédit que tu veux passer Je vais le mettre après. Là, il y a Alonso dans la maison. Ah. Alonso dans la maison. La belle ville est 5. Ça va, Alonso? Aïe. Tu as réussi à te frayer un chemin. C'est quoi? C'est le 5-9 tout ça? Wow. Donc là, c'est le 5-9. C'est Roubaix, c'est Schweitzer, si j'ai bien compris. C'est Roubaix tout ça? Ouais. Wow. Schweitzer, d'ailleurs, c'est quoi, Gradure? Schweitzer, c'est un quartier à M. C'est un quartier à M. Voilà. Il y a Schweitzer et je suis souvent à Schweitzer et soit je suis pas à Schweitzer, je suis au Nouveau Roubaix. D'accord, donc c'est les quartiers principaux voilà, là, du côté, juste à côté de M. Roubaix. Comment ça va à Londres? Très très bien, et toi, Fred? Eh ben écoute, regarde. C'est la folie. C'est n'importe quoi. Comment vas-tu, mon frère? T'as vu ça ou pas? Va bien. C'est la folie. C'est bien. Bon, t'étais où? Allons-nous en tournée aussi là en ce moment? Ouais, on est en tournée. On a commencé à Nantes. On a fait aussi le 9-5. Là, le mois prochain, on part sur l'île de la Réunion. Ensuite, il y a toute la France. Voilà, on va passer à la Cigale, Paris le 23. Il y aura un domicile au Dôme. Marseille aussi. Il y a beaucoup de showcase. Tu vois, demain encore au Luxembourg, après demain à Brest. Ça travaille sur la mixtape. Et puis sur RDC, il y a aussi, donc sur ton album Règlement de Compte, il y a aussi Brinks, le morceau où on retrouve. Exactement, avec Gradure. Et il y a eu un match aller-retour, puisque sur son album. Exactement, j'y suis. Voilà, sur le morceau, je donne ça, ouais. Voilà, on a fait un match aller-retour. Les deux morceaux sont très percutants. Donc, voilà, je suis content. C'est la connexion. Le Nord, Marseille, le Sud. C'est ça, c'est la province, ma gueule, on prend tout. C'est vrai qu'en ce moment, en tout cas, on a parlé de Dossé aussi, évidemment, qui arrive du 4-5. Yes. Qui arrive aussi prochainement, c'est vrai qu'il y a. C'est le 16 mars, même. Il se passe des choses un peu partout et c'est bien, la France commence à représenter un petit peu. C'est ça, ma gueule, c'est ça. On a besoin d'un rap. C'est le cas, c'est vrai que dans le Nord de la France, il n'y avait pas eu quelqu'un qui a eu autant de retentissement médiatique et des groupes. Hein. Je pense aux amateurs de Roubaix, les amateurs, la Lime aussi. Voilà. 59 grammes aussi. Il y a des gens comme les Slidja dans le Nord que je salue aussi, à qui je passe une grosse dédicace. Ouais. Axiom aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros, je dirais, succès en tout cas. Ouais, c'est pour ça que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça du 5-9. On a du mal, on avait du mal à se faire entendre et là. Enfin, on a l'exposition, donc ça fait plaisir. Est-ce que ça, justement, oui, toi aussi, Gradure, t'as envie de profiter de cette exposition pour pousser les gens, pour. Moi, j'ai toujours fait ça, moi, depuis le début, avec ou sans buzz, j'ai toujours poussé les gens. J'ai toujours partagé, j'ai fait une mixtape gratuite, j'ai mis pratiquement tous les gens du 5-9. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Quand tu viens de province, voilà. Tu sais, tu es obligé de passer ce qu'on appelle le témoin, le relais. Parce que nous, tu vois, on n'est pas de Paris. Le rap, le business, Marseille, c'est concentré. C'est différent. Les gens pensent. Il y a toujours un axe un peu Paris-Marseille, c'est vrai. Oui, mais les gens pensent que c'est plus simple que dans les autres villes de France. Mais je t'avoue que les groupes, ils galèrent aussi. Donc un big up à tous les groupes de province, que ce soit du 5-9, de Marseille, de Lyon et d'ailleurs. Bon, tu restes un peu avec nous, Alonso. Ouais, je suis là, je me sens bien. T'es bien dans l'ambiance. Ouais, comme un poisson dans l'eau. En plus, t'as la tenue nordiste, hein, j'ai vu là. Ouais, Canada Goose, obligé. T'es arrivé. Au Luxembourg, ma peau, elle supporte pas le froid. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, ne bougez pas, dans un instant, on revient. Le morceau qu'on passera dans quelques minutes. Ouais, on va mettre le son avec Alonso. Brinks, qu'on a fait. Brinks, c'est celui qui se. Sur ton album. Sur son album. Il veut garder la surprise. Voilà, c'est ça, papa. Je voulais un Planète Rap le même jour de la sortie de l'album, mais vu que c'est un peu avant, je vais pas tout donner, tu vois. J'ai pas tout donné. Tu as envie de garder des surprises. Il charbonne beaucoup, tu vois. C'est pas comme s'il envoyait pas de morceaux. Il envoie des nouveaux morceaux, des nouveaux clips. Donc, il peut se permettre de laisser découvrir les gens l'album la semaine prochaine. Et voilà, on va écouter Brinks. On aura quand même un titre inédit que nous avons. On va mettre un titre inédit après. Ne bougez pas, on revient dans un instant. C'est la folie de Brinks. Le Planète Rap, Gradure continue. Il y a Alonso qui est là aussi ce soir, juste après ça. Ladies and gentlemen, Planète Rap. Radio validé par Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Il y a du monde derrière ou pas? Avec Gradure sur Skyrock. Et le morceau extrait de Règlement de Compte d'Alonso. Avec Gradure. Un maximum de bordel. 5-9 le 13. Alonso. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton bout. J'ai bourré cette cochonne, je me suis barré. Puis être lâcheté comme le port salut. Le futur de ton rap français, il est devant toi. Il a fière allure. J'ai 23 piges, je roule en grand gamin. Sur la roue du 13 avec poteau à l'os. Négro, je suis droche. Et ton côté gauche. Frappe dedans. Tu sais pourquoi on veut des sous. Alors fils de pute, augmente mon cachet. Ne me force pas à arrêter le rap avant d'être ton fils la mort en sachet. J'ai putain de douille dans le putain de chargeur. J't'allume ta mère, j't'allume ta soeur. Lui envoie c'est du shit, il a pas payé. J'ai vu sa mère pleurer devant le pasteur. Oh ouais t'es tête, sale fils de pute, t'as voulu rocker. Si tu me dois des sous, j'y arrête, cherche comme la frappe du rockman. Papé, j'ai gay, enfin qui fait la street. Directeur, capital de la B, meilleur tarot. T'as pas aussi vite que les gars en carreau. Demande pas pourquoi mes regrets sont pas. Ça peut être douanier aux inspecteurs. Accélère le moteur de ton putain bimeur. Nord, sud, est, ouest. Il pleut des douilles pire qu'à Bucarest. Le nerf de la guerre, j'ai caissé les sous. La fierté sa couture demande même un ciseau. Fais-y mitrailleur pour venger ton honneur. Comme un Marseillais on t'allume, c'était d'ailleurs. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton bout. Vas-y les gros, pète le camion de ouais, pète le camion de ville. Pense qu'il y a à prendre ce pays. Merde, on va pas se contenter du speed. Ouais, pour ramasser. Le rap français, faut terrasser. 1 million, 2 millions, plus de muse, là, y'en a pas assez. Voilà, je tire cache dans la foule. Sa mère, la pute, lui qui vient se mêler. Je fais la sieste avec la cagoule. Pour m'endormir, je compte les violets. Quartier Nord, c'est plus chaud que la mairie. Autant de shit que le pays a glé. Je compose plus de numéros des gros que de numéros de fous. Marche ou crève, de 80 autour du soleil sans ouvreuse. J'ai dit à maman que je revenais, donc je nique le bar. Ça n'est qu'une fadesse. On est ensemble, ça dépend pourquoi. Transaction, prise de pouvoir. La passeuse revient de Kinshasa. Charles de Gaulle, Broubou, Terminal A. Tu sais pourquoi on fait des sous. Tu sais pourquoi elles aiment les youths. On nique l'argent, distribue des pêches. Un showcase, y'a bagarre dans la foule. Sur le terrain avant que le soleil se lève. Des rappeurs cheminent au fond la grève. On fait du sale quand tout est nickel. Taille S, on allume les triple XL. Oh, je te demande si ça va en vrai. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu es là pour regarder sous. Mais avant ça, viens boire un coup. Viens boire un coup. Guerre à dur. Allons-y. De la friture 2G 09 pur 2G sur la scène. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. RDC, la mobob, bientôt dans les bacs. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton boule. Vas-y les gros, pète le camion de ouais, pète le camion de ville. Pense qu'il y a à prendre ce pays. Merde, on va pas se contenter du speed. Ouais, pour ramasser. Le rap français, faut terrasser. 1 million, 2 millions, plus de muse, là, y'en a pas assez. Tu sais pourquoi on veut des sous. 5, 9, 13. Le 13. Et un max de bruit pour Papa Alonso. C'est pourquoi il pleut des douilles. Chiquet. Voilà, c'est un extrait de l'album d'Alonso qui est dans les bacs. Règlement de compte, Alonso qui est là, qui est venu rendre une petite visite à Gradure. Ah, grosse force à lui. Brinks, ah, le nom de ce morceau. Le morceau est sale. Ça, c'était le match aller, il y a le match retour dès le match retour. Dès lundi, pour les gens qui vont se procurer l'album, il y a le match retour. Je donne ça. Voilà, le morceau il tue. Ouais, il tue. Donc, l'homme de sa foi. À pas louper avec Alonso qui est venu justement donner un petit peu de force ce soir. C'est normal. Ce soir, ouais. Gradure entre 20 et 21. Ça fait plaisir de ouf. Et pas que Alonso, comme tu as pu le remarquer, beaucoup de monde aussi du 5-9 qui ont débarqué. Ouais, Schweitzer, nouveau Roubaix. Ouais. Ils sont là, ils sont en forme. Dans un instant, ils vont être gâtés. Tu vas balancer un titre inédit dans un instant, Gradure. Le morceau. Ça s'appelle Macaque. Macaque. C'est un morceau qui est arrivé à quel moment dans l'enregistrement celui-ci plutôt vers c'est la dans les derniers, c'est les derniers. C'est dans les derniers. Ça, c'est j'ai trouvé juste le refrain 10 minutes avant d'aller au studio. Et je suis rentré comme ça au feeling. J'avais pas de texte, je suis rentré en impro. Donc on y a un morceau spontané à découvrir dans un instant. Il est sur l'album L'Homme au Bob. T'as écouté toi entièrement l'album Alonso ou pas? Non, j'ai pas eu l'occasion. Tu sais, on travaille beaucoup. Lui, il a des showcases, moi aussi. Mmh. On se croise de temps en temps quand on est sur Paname. Mais on a pas eu le temps. Mais je vais aller l'acheter comme tout le monde lundi. Voilà, directement à la Fnac. En léger papé, grosse force. C'est ça. Et pour ceux qui veulent précommander maintenant, il y a aussi une édition collector, mais alors je sais pas où ça en est. Je crois qu'il y en a déjà pas mal de parties. Ouais, il y en a plus beaucoup. C'est une édition pack plus Bob. Donc le Bob avec l'album qui va avec. Voilà. C'est en édition collector. Il y a une PlayStation 4 à gagner aussi pour tous ceux qui auront acheté l'album. Donc c'est le concours de la meilleure photo. Il y aura une PlayStation 4 à gagner et des jeux PES 2015. Donc ça, on peut retrouver toutes les infos sur mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter. Voilà, allez suivre. Justement, on barrait bien. Je sais pas, tu suis évidemment sur son Insta. Oui, on se suit. Il y a quelques barres de rire sur l'Insta. Il est fou. J'ai pas regardé les dernières, mais j'ai vu. Non, on est calme. C'est l'album, on est calme. Mais ça va se relâcher après. Loïc de Vauréal par téléphone. Salut Loïc. Oh, allô. Ça va bien Loïc? Tranquille et toi? Mais je te présente Gradur Alonso qui est là aussi ce soir avec nous, le chef. Ouais, Gradur. LG, ça va ou quoi? Non quoi? Si, ça dit quoi? On est là. Tu es prêt à rapper? Ouais. C'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Ok. 95V, Boulanzou, TPC, La Bussy, Vauréal, en. 9-5-V, on est acharné, en cafard, on s'est incarné. Vous êtes venu à vous n'avez pas assumé. Comme un wash de frappe, on va vous consumer. D'un gris numéro 1, j'ai tous terrassés. Apparemment, ils en ont pas assez. J'ai plein d'oseilles, de l'oseille à brasser. Le charognard, c'est moi, chez LC. Balle dans les crânes, balle dans le cerveau. Oublie pas des deux. Si tu viens à vous, mes gars, te passe le salaire avant de te tesser. Changement de programme, je suis déjà dans mon vaisseau. On des poules en bécane, tes gars, va ce vaisseau. Frappe David Beckham et ça fait 1-0. Ça vient de Paname, c'est le 4-0. Pourquoi tu ricanes, je vais faire des euros. Le monde avorien, qu'ils ont les rappeurs locaux. On a trop la dalle, on est trop locaux. Tu veux de la crème, tu veux de la coco, tu veux une bécane, on a rien qu'à de la teco. La police nationale, c'est pour son teco. On leur met des bananes, discrétion et teco. Scrandeuse de man, j'ai volé ta go. Tu devrais prendre son nom, la poisson les eaux. On monte au studio, posez pas la bouffe. C'est le boulanger, double zéro. Allô? Ouais, Loïc. Ouais, j'entends mal. Eh, c'est bon, on a eu un bon aperçu, t'inquiète pas, c'était bien, Loïc. Bravo à toi. J'entends mal. Je sais, Loïc, mais on a eu, c'est ce que je te disais, un bon aperçu, ne t'inquiète pas. Ouais, mais je crois que je suis pas dans les temps, parce que j'entends mal. Loïc, je t'ai dit, genre je redis une troisième fois. On t'a entendu. C'est, ah, okay. C'est juste qu'en effet, voilà, par téléphone, on sait que c'est pas simple, donc ne t'inquiète pas, tout va bien, Loïc. Balance-nous plutôt des adresses où on peut te suivre sur le net et retrouver peut-être tes sons où il y aura une meilleure qualité. Sur Facebook, LC, vous mettez LC, LC majuscule, LC VRL, VRL, en majuscule aussi sur Facebook. LC VLR. VRL. VRL, pardon, LC VRL. Voilà, arrête, vous allez sur YouTube, vous mettez LC, vous mettez 95V, 95 interminable, tout ça, vous mettez... Eh ben ok Loïc, on ira mettre. Très excité Loïc. Merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous ce soir dans le freestyle par téléphone. Pense à toi, mon pote. Alors on le balance cet inédit ou quoi Gradur? Qui nous balance ça? C'est le DJ? Ouais, c'est le DJ. C'est parti, le morceau s'appelle donc Macaque, c'est un titre inédit, extrait de l'album L'Homme au Bob qui sort le 23 février. On y va, c'est bon? C'est bon? C'est parti, on peut le balancer? Vas-y, DJ! Hey DJ! Oh DJ! Ah, le DJ est parti! ce qui va être gênant pour balancer le morceau. Moi en fait, je vois plus rien. Tu sais, ça me rappelle le premier Planète Rap de Psyka. Où c'était. Vois, c'est un premier disque qui a tout son quartier. Ouais. Qui le soutient, moi je trouve ça beau. Tu vois, il y a du monde, c'est très très beau. Allez, on balance le morceau, le voici. On baisse la France, on fait des sous sur son dos. Ouais, ouais. Je suis sur le siège, je s'élève en booster. Sans la gricousse, les masses à les pinto. Passe les mains, terre, j'élève dans la coupe. Toc, toc, toc, ça y est, je sors du cachot, je refais mes lacets. Si on m'appelle sur mon bigo, c'est pour des sachets. Si tu veux me fumer, je vais pas me cacher. Sur le Uzi, machette dans les codes, dans la tête. Toujours posté, on n'a jamais bougé. Des barrettes de la S dans la carte de la 7. C'est trop, je grave ça dessus. Trop de photos qui m'ont déçu. Joute le gros pour ta répute. Reste le trop, y'a les képutes. Je la coupe comme un samouraï. Toi, t'enchaînes les rails. 40 MM dans la boîte à gants, la BM. Tu connais les bails pour la My Drive. Bye, taxi, bye. Ah, après un faux départ. C'est bon, ils vont l'envoyer. Après ça, un faux départ, voici donc le morceau Macaque. Ma vie, ma vie. Hey, grosse exclue. Choisir. On les jette la Galilée. Chequez. On prend des risques. Allez au Hells. Mais si seulement y'a du bénéfice. Et on sent pas les coups de la juge d'instruction. J'me faisais corriger à la ceinture comme punition. J'dois faire kiffer la major, j'dois faire kiffer le jet. Chez Gazquoi, dernier gamos pour gérer ses fesses. Vas-y, photo, fais les bails. Qui nous sale chez Gazquoi tant que c'est de la maille. Remplis le coffre, décline et décale. Sortez les meurs, les munes et les pales. Y'a personne pour t'aider quand t'es dans la merde. Donc fais de la monnaie en gros ou des tailles. Les condés veulent t'attraper, serrer de coffres et de monnaie. T'es attaché comme du bétail. On s'en branle, faut payer le loyer à la maman, elle veut graille. Donc j'suis obligé de sortir le fameux tiré dans le tas. Je suis sur le raid avec mes mancottes. Oui, je suis sur le raid avec mes mancottes. Parfois ça rappe, parfois ça tue. On nage l'asphalte, on prend des risques. Je suis sur le raid avec mes mancottes. Oui, je suis sur le raid avec mes mancottes. Parfois ça rappe, parfois ça tue. On prend des risques. 22, l'allée, Condé, dans la guerre, j'ai de la guerre. Des salauds me collent à la peau comme mon ex et les chewing gum dans un toit. J'vais les semer, leur mettre des tempêtes, c'est mon domaine. Une balle dans le foie, balle dans l'abdomen. J'vais même pas leur laisser sans savoir ce que j'ramène. Si j'me fais péter, j'dirai jamais rien aux gens d'eau. J'balance pas comme ces rappeurs, moi j'ai le flow à Django. Ils veulent me serrer comme la chatte d'une noisie. Que je prenne 10 piges, j'arrête le rap, ce serait du gâchis. Tous ces rappeurs de merde qui nous envoient des flèches, les emmerdes. Moi je les emmerde. Allez, si c'est vos pères, 2-0-15, ils vont saigner leur mère. 2-0-15, ils vont saigner leur mère. En rotation sur toutes les radios, les TV, les checkers, les clubs, on était comme hiver. J'suis sur le raid avec mes mancottes. Oui, j'suis sur le raid avec mes mancottes. Parfois ça rentre. Parfois ça tue, on nage l'asphalte, on prend des risques. J'suis sur le raid avec mes mancottes. Oui, j'suis sur le raid avec mes mancottes. Parfois ça rappe, parfois ça tue. On nage l'asphalte, on prend des risques. Chez Gun Squad, le mot pop. Planète Rap. Planète Rap. C'est Planète Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, Planète Rap gradure. Trop de PD qui parlent sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes, elles mouillent. Et quand le buzz il tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac Amaru. Car ma ligne de conduite, j'évite Sky et accident de la roue. Claque pas d'éteil en boîte pour pour des salopes, ça c'est de la frime. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïrs, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'ai quitté pour ses sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'ai quitté pour ses sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je bois la vie au goulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bouno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc je suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pandou et le marfait. Un bleu rebelle comme Yann M. Villa demande même à pas fait. Voir mon public qui fait en concert, ouais, mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Reveux pop tout négro, sachez que le buzz est complet. Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex. Alors je m'efforce de taper comme un soldat à la caserne. Je veux pas que les flics me ramènent. Ni même qui me malmène. Toujours jugé par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en se France, ça me fait de la peine. Ouais, je t'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Je veux prendre mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Gradure, notre invité toute la semaine. Ouais, Fred. Bon, on a enchaîné deux morceaux, il y a une ambiance incroyable dans le studio. Ouais, c'est la folie, c'est la folie. Qui fait qu'à un moment, même ici... Il y a beaucoup de monde, allez mater les images, c'est sur Skyrock FM, l'application Skyrock Gradure avec nous. On écoutait donc le morceau Macaque. Ouais, en léger. Auparavant, là, juste avant, donc morceau titre inédit, merci de l'avoir balancé, voilà. Ce morceau. En léger, Fred. Morceau que tu as fait dans ce que tu nous disais dans les tout derniers, ouais, tout derniers titres. Ouais, c'est dans les derniers, c'est dans les derniers. Et je suis rentré dans la cabine comme ça, je l'ai fait en impro, c'est-à-dire que je sortais une phrase en yaourt, tu vois, sans texte. Lundi, c'est la sortie le 23 février, le 25. D'ailleurs, le 23, tu seras aussi, tu vas voir les soutenir, hein. Tous les nordistes. Ouais, je serai devant Foot Corner. Donc je serai devant Foot Corner. À Lille. Ceux qui auront acheté l'album, je leur donnerai un t-shirt en léger. Donc à Lille. Foot Corner à Lille. Foot Corner à Lille pour retrouver Gradure. Ce sera entre l'après-midi plutôt, hein, Gradure. Ouais, c'est l'après-midi. Donc dans l'après-midi. À Londres, c'est à chaud aussi, hein. Ouais, il y a de l'ambiance. À Londres, il n'y a même plus de siège, il n'y a plus rien en fait. Ça y est, je suis comme un poisson dans l'eau, mon frère. Habitude, le quartier. Je sais pas si t'as entendu Gradure, parce que t'étais occupé tout à l'heure, mais allons juste avant qu'on balance le morceau Maca qui nous disait, moi ça me rappelle la première fois quand je suis venu justement avec les psychiatres où il y a tout, voilà, y a tout le quartier tout qui vient me soutenir. Venu, tu vois, c'est bon enfant, moi comme c'est, je dis. Moi, ça me fait plaisir, ça, voilà, me fait plaisir. Parce que premier Planète Rap, ils ont pas pu venir. Là, il y a tout le monde, il y a tout Schweitzer, il y a tout le nouveau Roubaix. C'est pour ça qu'ils sont chauds comme ça, frère. Tu vois. Exactement. Ils sont contents de nous soutenir. Ils étaient là depuis le début, donc c'est normal qu'ils soient là. Bon, dans un mes rebeux, mes négros, on est ensemble. On va tourner la roulette. Quel morceau tu veux pour finir, Gradure? Vas-y, je vais mettre Remember, comme ça sera la folie dedans dans le studio. Allez, Remember. Avec Niska qui est là dans la maison. Est-ce que le DJ arrive à nous voir et entendre qu'on va mettre le morceau Remember? Allez, morceau Remember. Morceau Remember, c'est bon? C'est parti? Allez, Remember sur Skyrock Gradure. Faisais quoi? confiance comme un frère, donc j'ai voulu t'avancer le bail. On devait partager la part du gâteau, mais toi t'as voulu me dry. Ouais, t'as voulu me dry. Juste pour de la beuh et de la maille. T'es qu'une pédale, un couteau dans le dos par un frère, ça fait mal. Je ramène une équipe pour serrer ce faux négro. Ouais, je vais serrer ce faux négro. Il m'arrête qu'à des palos. Ra, ra, la frappe à ballon. Sors l'homme, arre les armes. Dans la boîte à gants, j'ai caché le Beretta. On m'a dit qu'il est planqué près de Saint-Lazare. Faut que j'arrive à gouler chez lui dans le soir. Et je fais une dinguerie comme l'île Bouzy. Deux balles dans la tête, pas le temps de poser. Rafale le bodyguard Kevin Costner. J'en fais une dinguerie comme à mes concerts. Mes chèques et mes négros, mes charros sont deep. Tu sais que le faux neuf, ça bouge en équipe. Au mag de mon instant, t'es négro de taille voyantée. Mais si tu payes pas cash, on te kill. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Télema, Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Allô, allô. Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema. Cette pute, tu me dois des sous. Dans une semaine, ta femme sera veuve. J'ai fait chier par la fenêtre. Chez nous, y'a pas que les balles qui pleurent. Au choix, Pablo. Madrane et Marlo. Madrane et Marlo. Papa, allume des raclos. Pendant que bébé fait dodo. J'te nique ta mère et j'fume de l'herbe après. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que ta caisse est graille, mais c'est un prêt. Tu gères le business comme trafic indie. J'ai des chevaux sous le capot, je baise au quinté. J't'ai niqué ta mère quand t'es parti plaindé. J'l'éclate au pied, puis si la porte est blindée. Les sacros avancent des kilos. Les riches sont pédophilos. Bendo, bendo, bendo na bendo. T'avances crescendo, sol la récido. Le congolais est dans la place. Sans anotu en Versace. Nico, si j'ai pas de flingue, je m'en bats les couilles, je vais te chasser. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Petit, Télema, Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Petit, Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema. Des balles de calage pharmacie. C'est un bon studio à la cuisine. Mes Chege et Ndo qui sont rapides, on te lapide dans Hamid en bolide. Salam, salam, mets-toi à plafond. Donne-moi l'alias et les billets. J't'ai pas oublié, tu croyais t'en tirer. Et fils de pute, elle ramasse les douilles. Ramasse, ramasse. Tu m'aimes vraiment comme un frère ou comme un billet 500. On trouvera ton corps par terre, gisant dans une sac de chat. La violence, la violence, mes négros aiment ça. Mes négros, mes négros. Oui, mes négros aiment ça. Oui, mes Chege, mes Charo. T'es prévenu comme ça, ça. À trois, passe les rapports, ramène le douchy, retrouve les accords. Bendo. Tu es hardcore comme une métaphore. Tu veux faire la guerre, mais t'es même pas fort. Niska, la végradure, végradure à la Véniska. Chauter le nom, je me fais sucer dans la salle de bain par Griselda. Charlie Delta, c'est la NASA, on contrôle la Neuzo comme jamais. Braque les magasins, l'amour en t'avec. Bébé, c'est promis, demain, j'achète des casales. J'achète des casales. Pourtant, tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema. Pourtant tu me dois des sous, do you remember? Ça fait des mois que je te cherche, t'as changé de nom. Télema, Télema, Télema, Télema, Télema. Oublie pas que tu me dois des sous. Allez, Télema, Télema, Télema. Schweitzer 5-9, nouveau Roubaix. Gradure à l'instant et ce morceau Remember, voilà, on a dit qu'arrivé là. Ouais, qu'on salue et qui est passé, aussi. Qui est là. Entre 20 et 21, le Planet Rap Gradure. Dans un instant, on va se dire au revoir, mais juste avant, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886 plus la PS4 qui va avec. Allo, allo, allo, allo. C'est Anas. Allô. Anas de La Roche-sur-Yon, ça va bien? Ça va, toi? Eh ben écoute, grosse ambiance hein, dans le studio, c'est ouais, le moins qu'on puisse dire. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, ouais. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop, on y va. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... The Order 1886 et peut-être la PS4 pour toi demain matin, c'est chez Difool dans le morning de Difool. 6h et 9h, je prends ta petite fiche et je la mets dans le bob pour le tirage au sort demain, 6-9. Passe une bonne soirée. Merci aussi. Merci à vous tous à Londres. Merci d'être passé dans le Planète Rap de Gradure. Merci à Gradure, ça fait plaisir. Voilà, l'homme au bob, il sort lundi. Allez soutenir, c'est très important. Voilà, pour venir nous voir en concert, pour que le rap il continue comme ça. Et toi, t'es en tournée d'ailleurs en ce moment? Je suis en tournée de partout. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. On est actif, on s'arrête plus. Voilà, il n'y a personne qui va respirer cette année. Eh ben, merci à Londres, tu salueras toute l'équipe, les psychiatres aussi. J'ai vu que Sopra est un peu malade, donc on le salue aussi, il va repartir en tournée lui aussi. Yes. On passe une petite dédicace. Gradure, merci pour la soirée, merci à tout le 59 qui est passé en léger. C'est une main complice. En totale légèreté. En totale légèreté. Merci à vous tous au 5-9. Voilà, 5-9. Merci au Chez Squad. On se retrouve demain entre 20 et 21. En léger. 5-9. Pour la suite et la fin du Planète Rap de Gradure. Difool, est-ce que tu es là? Oui. Ah, tu as réussi à te frayer un chemin? Exactement, je me suis frayé un chemin, c'est un peu le mot compliqué. Ouais. Il y a du monde aujourd'hui dans Planète Rap. Non, on est deux. Le gros Planète Rap. Ah bah, Momo sera là d'ici 20 minutes, je pense, un temps de franchir tout le studio. Ouais. Eh bien demain, je ne sais pas ce que ça va faire demain. Hein. Demain en direct entre 20 et 21. Gradure, ah mais il peut pas y avoir plus de monde là. Le retour. Pour le moment, oh, donc, tout est possible dans Planète Rap. Ah sais. Bah attends, ça déborde de partout là. Ah, on a perdu Fredo là. Fredo. Dédicace. Fredo. Ah, je suis en train de régler les problèmes de dédicace en fait. Ah, bien, c'est ça. Comme tu peux l'entendre. Bon réglage de problèmes. Eh bah, ben t'es pas dans la merde. Voilà les dédicaces. Et nous on revient dans un instant sur Skyrock avec Mark Ronson et Bruno Mars. Bonne idée. Et le Planète Rap de Gradure demain le retour. 21 à pas louper. Merci Gradure, merci les Nordistes, merci Fredo, merci Alonso et merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Et nous, dans un instant, on arrive. La bande est déjà là, même. Hein. Allez-y, vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Il y a la Marie et toute l'équipe qui vous attend déjà. Ouais. Pour le reste, eh ben, c'est Mark Ronson et Bruno Mars qu'on va retrouver. C'est Upton Funk maintenant sur Skyrock. Fredo, à demain. Ciao, ciao. Ciao. Tous les matins avec le morning de Difool sur Skyrock.